Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan sont fiers de vous présenter les palmarès C'est fou. Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les palmarès C'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 3 au 9 juillet 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette émission des Palmarès, on va avoir beaucoup de nouveautés. On a 5 nouvelles pièces. On entend du côté anglophone Rum Runner avec Love's Lovely Counterfeit. En 15e anglophone, francophone, tantôt on va entendre Crash Ton Rock avec leur pièce homonyme. Carré Cudon avec Pada Pada, Pada Pada Pada Pada. Et Omnicron avec The St. Catharines et la pièce Vedette. Et finalement Chinatown avec du jazz avec l'Apocalypse. C'est compliqué quand même comme nouvelles entrées, mais on va se retrouver d'ici la fin, vous allez voir. Sinon, nos numéros la semaine passée étaient Croque-Mort du Roi Poisson du côté francophone, et en anglo, c'était White Cowbell Oklahoma avec Piece of the Action. Est-ce que ça tient? Il va falloir être avec nous pendant 3 heures environ pour le savoir d'ici la fin de l'émission. On va commencer par une nouvelle entrée en 15e place du côté anglo. Je disais que c'était Rum Runner, mais on commence avec Crash Ton Rock. Avec Crash Ton Rock. T'en es pas mal, c'est fou, au 89 FM. Les punks et les voyous. Les samedis soirs, je me rends sous, je rentre dans les rails genoux. Je fume encore, même si c'est ma joie. Pas besoin de bouche, je me sens pas mal. J'te l'imposteur pour les rebelles. J'te un parasite pour la dentelle. Je prends ma place parmi mes pères, la différence me rend fier. J'ai pas besoin d'approbation, mes rétracteurs sont des moutons. Non, y'a de toujours pour critiquer. Ce que tu fais pour surmonter. Y'a de toujours prêt à juger ta manière d'être habillé. Mais nous sommes blancs, jaunes, rouges et noirs, tous différents et pleins d'espoir. La différence fait notre force et c'est ensemble qu'on crache le drogue. J'ai pas de catégorie. J'veux être ce que j'suis sans compromis. Ma coupe de cheveux ne m'importe pas. J'ai peut-être des scènes, c'est comme ça. On fait pas de game avec la crache. J'veux pas que tu m'aimes ni faire la face. Non, y'en a toujours pour critiquer. Ce que tu fais pour se monter. Y'en a toujours prêt à juger ta manière d'être. Blanc, jaune, rouge et noir, tous différents et pleins d'espoir. La différence fait notre force et c'est ensemble qu'on crache le truc. Yeah! sides, we cut it through the miles. Spill to the highways, pride of liberties to dry. Oh, man's propensity to find loneliness to die. For services provided, she marched ship ones in her cheek. There's no sentiment in a 20 and the road ain't for the meek. Trying to fuck us in Chicago, first trip down in L.A. She should have left her secrets in the east. From the moment she threw shadows in L.A. In speakeasies and cash rooms, awards and fall like rain. Up in dirty heads, a little head of a sordid life of crime. Can kill you if you cross it for a dime. Past is calling, past is calling, past is calling her again. Hovering in a Murado of the secrets that he gave. Stuck in those, she swore to cry, she'd take it to a grave. The woman's in the cells, they said she wasn't worth the time. The legs went on for miles, she couldn't execute her line. Val Lewton-Jones, Gene Brooks, and Simon Simon Forrest films, RKO, and even Castro for that time. The Rousseau-Smiths would save her, she still see her name in lines. King Crazy still screamed through a campaigning in the night. The veterans of the Mongols, when they learned where her legs ended, they denoted her a star in her own right. From the moment she threw shadows to L.A. In speakeasies and gas rooms, awards will fall like rain. Up in dirty heads, a little head of a sordid life of crime. He'd kill you if you cross him for a dime. Past is calling, past is calling, past is calling her again. Loving in a Murado of the secrets that he gave. Stuck in those, she swore to cry, she'd take it to a grave. Rum Runner et Love's Lovely Counterfeit de leur album What's the Music Mean to You, nouvelle entrée en 15e position anglophone, et c'est la seule de ce côté-là. Avant, du côté franco, en 15e, c'était aussi nouveau Crash Ton Rock, ou Crash Ton Rock, avec leur pièce qui s'appelle aussi Crash Ton Rock. C'est leur CD des rats parmi les loups. On va continuer tout de suite avec nos 14e places du côté anglophone. Ça monte d'une position, c'est de Get Down avec This Is The City, une pièce que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais avant ça, voici une nouvelle entrée de Carl-Éric Hudon, c'est Papa Da Pa. Papa Da Pa. Dans les papales marais, c'est fou au 89.1 FM. Mon épaule, c'était la numéro 14. This is the city. What has become? This is the city. Formation de Get Down avec This Is The City, montée d'une place en 14e position anglophone, ça vient de leur album Dirty Power. Avant ça, on a entendu une nouvelle pièce de Calais Cudon, Papa de Pa, qui vient du CD Contre le tien, Anana Bongo Love. Et je dois le dire plusieurs fois tellement j'aime ça. Contre le tien, Anana Bongo Love. Oui. Parle d'aimer des choses, je sais que vous aimez les palmarès, c'est fou, je sais que ça vous tente d'en savoir plus et d'être au courant des actions, je dirais, hein, que posent les palmarès, c'est fou envers vous et vos oreilles. Hein. Allez voir twitter.com/palmarès, c'est fou, c'est le nouveau compte Twitter des palmarès, c'est fou, parce que oui, Twitter, c'est ce dont tout le monde parle et il me semble que ce serait le fun d'en avoir un pour les palmarès, fait que je me suis dit, m'en faire un. Et c'est au twitter.com/palmarès, c'est fou. Et ça, c'est des petites mises à jour rapides directement dans votre abdomen. C'est comme un coup de poing informatique. twitter.com/palmarès, c'est fou. Il y a aussi d'autres comptes pour C'est fou en général qui s'en viennent avec le temps. Il y a déjà twitter.com/CNX, c'est fou, pour en savoir plus sur mon émission d'informatique. Et puis, il y en aura un pour C'est fou. Il y en aura un pour plein d'autres choses différentes. Donc, voilà pour ça. Allez voir lunechance.com pour tous les liens vers nos Twitter. www.lunechance.com. Assez parlé de choses geek. Retournons à nos palmarès, c'est fou. En 13e position anglophone, ça monte d'une place. C'est mes amis de Standing Waltz. On les aime, ces gens-là, Standing Waltz, avec Can't Break Me. Mais avant ça, tout de suite, voici Omnicron et The St. Catharines ensemble pour la pièce vedette dans les palmarès, c'est fou, 89.fm. Et avant de vous quitter pour quelques instants, hein, et vous laisser entendre la musique, je vous rappelle qu'il y a une toute nouvelle capsule de vidéo en question qui s'en vient ce soir. C'est le lexique des arts visuels, la communita. Ça va venir un petit peu plus tard, vers dans une heure environ. Dans les palmarès, c'est fou ici au 89.fm. ¶¶ disait qu'on faisait, mais pourquoi que comme tous les autres, on nous oublierait. Puis on rajoutait un autre 6 mois, qui aurait 4 poussées sorties. Beaucoup se demandaient pourquoi c'était des gars comme nous qui faisaient autant de bruit. Ensuite, on vous a donné le fruit, vous en avez même mangé la pure. Mais mariez ou non, pas si génie, ça fait fucking 4 ans que ça dure. De l'imaginaire à l'entrée, beaucoup de choses se sont mélangées. La seule chose qui va jamais changer, c'est qu'on est mieux que les autres, mieux que la télé. C'est beau, ferme ta gueule, ou tu vas crier jusqu'à notre cercueil. Pis ça c'est tout, sauf une métaphore. Quand on sera plus en vie, on sera même pas mort. Tu penses quoi? On va de l'avant, comme si on voyait à travers le temps. Tu penses quoi? On est cave, non, on est juste intelligent. T'as pas besoin de mérite quand t'as les poches pleines. Vas-y, tu peux nous disremplir des pages pleines. C'est des belles découpeuses pour ma future pièce. All of fame, all of fame. Meilleur méchant lutteur illusionniste. On a marqué à vie la musique. On va se retirer quand on va être dans le Hall of Fame. Hall of Fame. Numéro 13. Don't you try to break me down. Standing Waltz et Can't Break Me en position numéro 13 anglophone. Ça, ça monte d'une place. Ça vient de leur nouveau CD Non-Sens. Avant ça, c'était Omnicron avec The St. Catharines et la pièce Vedette. Ça vient de leur album Comme à la télévision. C'est pas la première fois qu'on retrouve Omnicron dans le palmarès. Leur pièce précédente a quitté les palmarès il y a quelques temps. C'était Comme à la télévision, la pièce titre. Tiens, avant de continuer avec nos 12e positions, je vous rappelle le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, il y a entre autres les nouvelles entrées de cette semaine. Il y a ce qui s'en vient dans la chronique Vidon dans la question vers les 18h15 le vendredi, vers les 16h15 le jeudi. Et puis, ben d'autres petites affaires, des avant-goûts de ce qui s'en vient plus tard dans l'émission. Tout ça sur le www.unechance.com. En 12e position anglophone, on trouve Snoo. Avec Stand Up High, ça monte d'une place. Mais avant, tout de suite, voici une nouvelle entrée, la dernière de cette semaine et la dernière du côté francophone par le fait même. Voici Chinatown et du jazz avec l'Apocalypse. Ça se passe dans vos oreilles à C'est Fou 89.1 FM. Quand le ciel est bleu, la mer est calme, tu fermes ta gueule et tu rames sur les radeaux d'inconvenance. Ton héritage américain, dans la rue c'est différent, ça roule, tu lèches les nuages indigestes, un petit sourire dans la foule, point fermé au fond de ta veste. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Avec l'Apocalypse, tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Sous les ponts, y'a des oiseaux inquiets qui parlent de déménager pour la plus proche nébuleuse et conquérir la Voie lactée. Ce soir, sorbet carbonisé, fondant l'horizon démentiel, tu piques à travers les ruelles. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Tu vois l'éclipse comme une tasse de thé. Dans tous les sens, y aurait du café dans la fusée, des conversations impudiques sur les terrasses ensoleillées. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Au milieu de la cité, tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Les palmarès C'est Fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Et Stand Up High, 12e position anglophone, ça monte d'une place la nouvelle entrée la semaine dernière. Oui, salut Mathieu. Et bonjour Kiwan. Je te prends par surprise un peu. Hein? Ben non, je suis là, je suis prêt. Je pourrais même te dire qu'avant la pause, on avait entendu la 12e position francophone, c'était Jonathan avec la pièce du jazz avec l'Apocalypse. Tout à fait, Kiwan qui vient d'arriver et qui co-anime les Panarais, c'est fou avec Mathieu Kiwan quand il est là. Oui, à l'occasion. À l'occasion. Tantôt, je parlais de nos comptes Twitter. Ben oui, c'est nouveau ça. Ben oui, ben c'est nouveau qu'on est là-dessus. Il me semble qu'il faut suivre les modes. On était pendant un bout sur Facebook. Avant ça, on était sur MySpace. Puis là, ben on est sur Twitter. Les trois ensemble, on va essayer de mettre le plus de choses possibles là-dessus. Là, ce que je dois vous dire, c'est que les liens vers nos Twitter sont sur le unechance.com. J'ai fait celui de CNX. C'est CNX, c'est fou. Il y a Palmarès, c'est fou, évidemment, là-dessus. On vous parle des nouvelles entrées qu'on a et puis des sujets de vidéo à vocation. Il y a la dernière porte à gauche. Ah ben. Ben oui. Barre oblique LDPHG. Je vais vous dire là-dessus quand il va y avoir une nouvelle balado-diffusion disponible. Hein. Je vais essayer de tenir tout ça à jour pendant les prochaines semaines. Ça va être mon petit devoir. Je suis bien excité. Twitter.com/LDPHG pour la dernière porte à gauche. Et puis finalement, celui de C'est Fou en général qui est au Twitter.com/C'est Fou FM. L'été va avancer. Il va y avoir de plus en plus de choses là-dessus. Cet automne, là, je vais vraiment me mettre à faire pas mal toujours des mises à jour là-dessus. Cet automne, tu vas surtout avoir tellement plus de temps pour t'occuper de tout ça. Hein? Tout à fait, tout à fait. Bye bye, chômage. Bref, twitter.com/CFOUFM et puis les autres sont sur le www.unechance.com. On est aussi sur Facebook et puis sur MySpace. On est partout. Hein? Partout. C'est ça de l'interactivité, Kiwan. On est même sur le 89.1 FM. À la radio, on fait encore de la radio. Ouais, pour les personnes très old school comme moi là, qui préfèrent encore leur bon vieux poste radio, là, ben... On est là. Il n'y a pas juste des balados diffusion dans la vie, hein? Non. Ouais. Alors, on va aller entendre nos positions numéro 11. Du côté anglophone, c'est Surefire Machine avec One Way Ticket qui monte d'une place. Et du côté francophone, c'est Iggy Pop qui est là pour une deuxième semaine avec la pièce Les Feuilles Mortes. Dans les Palmarès, c'est fou! 89.1 FM. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable, les pas des amants. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais, mais la vie séparait ceux qui s'aimaient tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée. Les pas des amants déchaînés. Thank you. hotels, cover models. Looking back, you remind me why I'm falling for one step behind. So it goes, a table turns, you roll your eyes, the whispers. Too many times I paid the price. I loved her once but killed her twice. Well, I run it clean, I run it fast. I'm always first or right. She wouldn't break the back door, would have settled for a second place. Well, I run it clean, I run it fast. Well, I'm always first or right, I'm always last. So, baby, beg, please, you get me on the knees. Get you on your back, lay you like a railroad track. Got a shotgun full of trust. I got a teaser on that train, bottle full of lust and pills to kill my pain. Well, baby, is this party over? La formation Surefire Machine et One Way Ticket qui montent d'une place en 11e position anglophone. Et avant ça, du côté franco, on avait entendu Iggy Pop avec la pièce Les Feuilles Mortes. Oui, Iggy éclate, hein. C'est en français Pop. Pop, éclate. Ouais, ouais. Ouais, on pourrait le traduire comme ça, j'avoue. Snap, crackle, and pop, cric, crac, croc, les Rice Krispies. C'est ça. C'est pour ça, moi, que c'est nommé de même. Pour les Rice Krispies, j'aime les céréales. Assurément. Bref, ça va être son album préliminaire qui vient de sortir. C'est Iggy Pop. Bon. Avant de continuer, je dois vous dire ce qui s'en vient ce soir dans l'émission Les Palmarès, c'est fou que vous écoutez en ce moment. Kiwan, tu l'écoutes, hein? Oui, je l'écoute. Et qu'est-ce qu'il va y avoir plus tard dans l'émission, Mathieu? Dis-le-moi. Il va y avoir, entre autres, une nouvelle capsule de Vidon à vos questions. Ça, c'est dans à peu près une demi-heure, je dirais. Environ. Et on continue la série sur le lexique des arts visuels. On se cultive, tu sais. Moi, les arts, moi, tu sais, je connais pas ça tant que ça. Je suis pas très éduqué. Toi non plus. Non. Non. On va en apprendre plus sur qu'est-ce que c'est la communitas. L'art ne laisse personne indifférent, disent-ils. Les réactions que nous éprouvons devant une œuvre sont en certains cas singulières. Justement, la communitas nous touche parfois. Luc Archambault et Mathieu Saint-Onge réussissent à illustrer ce sentiment de fraternité partagé par les spectateurs devant une œuvre. C'est beau, hein? C'est vers les 18h15 le vendredi soir, vers les 16h15 le jeudi, dans la rediffusion des Palmarès C'est fou, c'est la chronique du mot extrême. Vidon la don, la question. On est rendu aux positions numéro 10 du côté anglophone, c'est Winter Gloves avec I Can't Tell You. Mais tout de suite, on écoute En pleine face du groupe Archigéa au Palmarès C'est fou. Avec Kiwan et Mathieu au 89.1 FM. Oui! Oui! T'as pas mes bruits, mais oui! Non? T'en fais pas, toi? Non, je fais des bruits de chaise. C'est tes fesses qui font du bruit. Ouais, hein? C'est ça. Yeah. Taste in your lips makes it well easy. Winter Gloves et la pièce I Can't Tell You, c'est la 10e position anglophone des palmarès C'est fou cette semaine. On se tente jamais. Avant ça, du côté franco, c'était Archigéant avec En pleine face qui, elle, descend d'une place. Ça descend pas beaucoup, par exemple. Ça descend tranquillement pour Archigéant. Ouais. Te souviens-tu des livres Archi, les bandes dessinées ouais. Archi, il y avait les formats géants. Ouais. Archigéant. Je pense pas que le groupe Archigéant soit dédié à cette BD, je pense pas. J'espère que non. Non, c'est ben moi, j'espère que oui, j'aime ça, Archie. Arrête de chialer pour Archie. Okay. Hey, tu sais, j'ai lu récemment, et là, je me rappelle pas de qui j'ai choisi, mais je me rappelle que Archie a enfin choisi entre Betty et Véronica. Ouais. C'est marié. Parler de ça, ouais. C'est cute, hein? Parce que ça continue, il y a toujours des nouveaux épisodes d'Archie, si je comprends bien. Ouais, si on peut appeler ça des épisodes. Ouais, je sais pas. Non, ouais. C'est comme les bubblegum de Bazooka, c'est-tu des épisodes ou c'est juste des jokes poches? Ouais, c'est ça. J'ai eu une parodie du film de Bazooka Joe parce qu'il y a une parodie là-dessus sur, je pense que c'est Carl Jr. qui faisait ça. Je posterai le lien sur le site, c'était bien drôle. Ok, tu feras ça. On découvre comment un personnage a perdu son œil, parce qu'il y en a un qui a perdu un œil, puis l'autre qui porte un genre de col roulé jusqu'à la bouche. Bref, ça a quasiment inspiré South Park. Ça, je vais mettre ça sur unechance.com, le site de l'émission, au www.unechance.com. C'est beau comment des anecdotes nous amènent à des liens par rapport. Hein. C'est ça, tu sais. C'est ça la radio. C'est à cause d'Archigéant. Toujours. Du côté de la 9e position anglophone, on retrouve Slim Twig avec Young Hussies. C'est l'ancien numéro 3. Mais tout de suite, on écoute la 9e position francophone. C'est Martin Léon et c'est ça qui est ça. Ben, quinte-toi! Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Au 89.1 FM. C'est fou. Pas mêler de ce qui me regarde pas. Moi, je te dirais bien ça. Les vieux temps où, comme tu sais, ben, faut que les choses se disent, ça fait que, écoute bien là, même si t'ailles ça, ben, c'est ça qui est ça. Hein, tu sais? M'en est d'envie, là, un gars fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis je voudrais juste pas que tu penses des affaires qui ont rien à voir. Prends ça comme tu voudras, là, même si t'haïs ça. Ben c'est ça, y est ça. M'as-tu? Fais pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, là, ok? Regarde-moi le gars. Ok? J'aimerais peut-être pas te dire ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis comme ça. Puis même si j'haïs ça, ben c'est ça qui est ça. Hein-tu? Oui. En même temps, m'a dit comme on dit des fois, je voudrais pas dire des affaires que tu sais déjà, tu sais. Mais laisse-moi dire une chose, par exemple. C'est que même si t'haïs ça, ben c'est ça qui est ça. Vends-tu? Bon, excuse-moi, là, faut que je te laisse, j'ai une autre ligne. Numéro 9. Breathing, counting, kicking, pounding. us here, cringing, crying on the doormat. We've been spitting through the mail slot, dodging bricks from out the window, listening humbly, little tiptoes, slipping, hiding, climbing higher, up the awning, belly downward, shake, push, kissing gently, you watch both of them without hurry. Call me your husband. So call her your husband. That makes us two. And it makes us so lucky. Breathing, counting, he came pounding, thrashing, ringing, shook the ceiling, humming on the brass dust boots, close smooth, tinting on the future. In my bathroom, scrubbing, flashing, on down out the bedroom, laughing, gather plaything that's a comb, cutting up, and we're leaving slowly, cringing, crying on the doormat. Spitting through the mail, it's like dodging bricks from out the window. Listen, humbly, little tiptoes, slipping, hiding, climbing higher. Happy on and belly down. Can't put your kids in jelly. You're off bogey without hurry. Breathing, counting, eating, pounding, flashing rain, shook the ceiling. Humming on the grass, the blue's crossing. Tilting it on the fruit jar in my bathroom, scrubbing, flashing. Slim Twig et Young Hussies, c'est en position numéro 9, anglophone, ça descend 6 places. Et avant ça, c'était Martin Léon avec la pièce « C'est ça qui est ça », c'est sur l'album « Moon Grill », mais c'est une reprise, on pourrait dire, de sa propre pièce qui était sur son album « Kiki Barbecue » qui avait sorti il y a environ 5 ans. Il l'a refait puis il a mis ça sur un nouvel album qui s'appelle « Moon Grill ». Eh ben, dis donc! Et voilà. C'est la fin de la première heure. On se retrouve pour une deuxième tantôt avec, entre autres, Mimi Manolo et Yann Perrault. Mais je dois vous dire que Kiwan s'en va. Oui, moi, je serai pas là pour la prochaine heure, Mathieu. Donc, je te dis salut. Et je dis salut au Palmier aussi. Puis moi, je te dis salut aussi. Ben, c'est bien fin. Parfait. Donc, ça a été bref quand même ce soir. D'habitude, j'arrive à la fin de l'émission. Je manque le début. Là, je fais le contraire. T'aimes ça varier, toi. Voilà. T'es un gars rempli de changements, je dirais, de surprises. Hein? Tout à fait. C'est ça. Hey, bon Woodstock, là. Ben oui. Bye. Bye. Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmarès. C'est fou pour la semaine du 3 au 9 juillet 2009. Je m'appelle Mathieu Plante, seul au microphone. Pour le restant de l'émission, il nous reste 2 heures ensemble. Dans 10 minutes, on va se faire la capsule Vidon là dans la question. Cette semaine, on continue la série sur le lexique des arts visuels. Et là, ben, l'épisode de cette semaine, si on veut, s'appelle La Communitas. Ça va être après les prochaines positions qu'on s'en va entendre. Sinon, ben, je suis en train d'ordonner, commander. Comment on fait ça? On dit genre supplier Kiwan de me donner des pièces pour remplir la fin de l'émission tout à l'heure. Lui qui nous a quittés. Il s'en va écouter des groupes comme quoi il y avait Pennywise. Je me rappelle que j'ai entendu qu'il s'en allait voir aussi Mononcle Serge là-bas. Il y a beaucoup de punk et de métal au Woodstock en Beauce ce soir en direct le vendredi 3 juillet. Bref, allons-y avec nos prochaines positions, c'est-à-dire les 8e. Du côté anglo, on retrouve New York Dolls et Cause I Says So qui montent de 2 places. Mais à l'instant même, laisse-moi te dire qu'on s'en entend, laisse-moi de Jean Leloup. Assez fou, 89 FM dans vos oreilles. Camera, love of smoking a joint. New York Dolls et Cause I Says So montent de deux places en huitième position anglophone. C'est bien leur album qui s'appelle aussi Cause I Says So. Et avant ça, c'était Jean Leloup avec Laisse-moi qui monte de deux places. Ça vient de son album Mille Excuses, Mille Idées. On s'en va entendre les septièmes positions, mais avant les septièmes, je dois vous dire et vous rappeler que je mets à jour le Twitter des Palmarès C'est Fou en temps réel. Aussitôt qu'on dit quelque chose d'intéressant ou moyennement intéressant, comme le fait qu'Archie a choisi Véronica. Si on parlait d'Archie Géant tantôt, c'est ce qui s'est passé. Donc le lien se retrouve là. J'ai le petit sur Enter, là. Tout de suite sur twitter.com/palmarès c'est fou. Allez-y tout de suite. twitter.com/palmarès c'est fou. Il y en a d'autres Twitter comme ça. Vous pouvez les retrouver tout au complet sur le unechance.com qui est le site de l'émission. Et là-dessus, il y a les liens vers CNX et Palmarès, là dans la porte à gauche et C'est Fou en général. Du côté anglophone, la septième position est occupée par The Novax et Why Wonder. Ça monte d'une place. Mais tout de suite, voici Yann Perrault et le président danse autrement au 89.1 FM. C'est fou! Subtilement. numéro 7. C'est Why Wonder, position numéro 7 anglophone. Ça monte d'une place. Avant ça, on a entendu Yann Perrault et le président Danse Autrement qui descend de la quatrième position. C'est l'un de son album Un serpent sous les fleurs. Les choses avancent, tout va bien. La capsule vidéo en question s'en vient un petit peu plus tard que prévu, mais quand même, elle va être là. On va parler de la communitas dans leur lexique des arts visuels un petit peu plus tard. Avant de continuer avec les positions numéro 6, ça me tente de prendre une pause. Je me dis que, tu sais, Kiwan est en train de faire son petit voyage jusqu'à Woodstock en Beauce. Mm-hmm. Et il m'a laissé quelques pièces à jouer. Je me suis dit, tu sais, il va sûrement écouter en voyage comme ça, en voiture. Fait que je vais y en mettre un peu pour qu'il se mette dedans. Tu sais, ça va être le fun. On va entendre du Mon Oncle Serge tantôt, mais on commence avec La Loi des Cactus. Voici leur pièce Babylone Resistance. Sound System. Ça a déjà été dans le palmarès, c'est fou. Et ça commence tout de suite. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Seul prisonnier de tes questions, alors laisse tomber les notre invitation. Car autour de nous, il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens lancer avec le Party Line Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Party Line Resistance Sound System. We're getting down, bringing you down. You feel the more sunshine in them life. You feel the more loving in their life. Yeah, I, them want rise. We not in the gun because we are fight by the sign. In their line, they do them want more loving in their line. Yeah, I, them want rise. We not in the gun because we are fight by the sign. Get up every day and treat we like tough. Summer we hungry while your back keep them both. Kick back and a relax while out your life tough. Babylon your skins we've had enough. Fight for your rights, otherwise nobody now go be you them. Yeah, I stand up and fight. You won't hear me repenting and sister. And it's the Babylon Resistance Sound System. C'est fou et vous écoutez Les Palmarès c'est fou avec Mathieu et Kiwan. Bye! semblant de t'intéresser à ce qu'il dit, mais au fond de toi, l'impatience monte, la colère gronde, l'aliénation est à son comble. T'aimerais faire exploser une bombe, que tout s'effondre, que les murs tombent, que toute la joie que décombre, et que le mononcle à la langue longue soit dans sa tombe avec ses petites cadres roses. Qu'est-ce que t'aimerais que tout explose? Oui, j'aime pas ça. Hey, man and breakfast, dans le cul. Hey, man and breakfast, fuck you. Hey, man and breakfast, moi j'aime pas ça les man and breakfast. Moi j'aime bien les Puis fuck, je m'en balais, je me brosse la poche, puis away. Moi, je m'en réveillais toute la maisonnée. Et ben, je m'en contre un grand espoir que les mecs dans le breakfast, les mecs party. Mon nom Serge, avec Bed and Breakfast de son album qui se nomme Serge Blanc d'Amérique dans les Panaras. C'est fou. Avant ça, on a entendu la loi des cactus avec Babylon Resistance Sound System avec Culture Connection. La misère avec mes noms de pièces, mais quand même, c'est des groupes qui vont performer à Woodstock en Beauce. Allez voir woodstockenbeauce.qc.ca pour toute la programmation. Et ça, ça a lieu du 1er au 5 juillet. C'est woodstockenbeauce.qc.ca. Vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On est rendu aux positions numéro 6 du côté anglophone. C'est My Son The Bomb avec Knockin' Futs. Mais tout de suite, voici Mimi Van Der Loo et Tu sais. Au 89 FM, C'est fou! Retour My Son The Bomb, Pete Moss et les violents cachalots en plus de Marie-Pierre Arthur dans Les Palmarès C'est fou. Les Palmarès C'est fou sont présentés par Trois-Rivières Nissan et par Énergie Nissan de Shawinigan. numéro 6. Ice on the Bomb et Knockin' Fats en position numéro 6, ça monte de la 11e. Ça a pris seulement 3 semaines pour se rendre jusque-là. Avant ça, du côté franco, c'était Mimi Van Der Glo et Tu sais qui monte directement de la 15e. Ça, c'est vraiment une grosse remontée. Une montée même, je dirais, parce que ça n'a jamais été aussi haut que ça. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Mm-hmm. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, un condensé de ce que C'est fou a de meilleur à vous offrir. Et je vous avais promis une nouvelle capsule de vidéo dont la question. Elle est un petit peu en retard, comme ça arrive assez fréquemment. Mais là aussi, quand même, parce que je suis le même, moi. Vidons-la dans la question. Euh, Vous êtes ici? Bonjour. Quel est le motif de votre appel? C'est parce que je suis allé voir un show avec une gang, là. Puis là, là, c'était tellement touchant, là, que là, à un moment donné, là, j'ai eu l'impression qu'on formait un groupe uni, qu'on était tous rendus égaux, là, peu importe de ce qui qu'on était dans la vie, là, tu sais, là, tout le monde, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais madame, c'est pas compliqué. Ça a un nom. Ça s'appelle la communitas. On a justement préparé quelque chose pour vider cette question-là. Putain, on attend la question! L'art ne laisse personne indifférent. De l'émerveillement au dégoût, en passant par la perte de connaissance, la contemplation d'actes artistiques donne lieu à des réactions parfois singulières. Prenons par exemple la communitas, ce sentiment éprouvé par les spectateurs qui partagent durant un instant l'idée que toutes les inégalités sociales peuvent être abolies. Ce sentiment de communitas s'est produit lorsque l'artiste contemporain Damien Hirst scia une vache en deux devant public. J'ai vraiment l'impression qu'on est tous des frères. À l'époque, des membres de l'ONU virent dans l'expérience de Hirst le moyen d'abolir les inégalités et de faire la paix sur Terre. Ils déployèrent donc à l'échelle planétaire une vaste campagne de sciage de vaches en deux. L'entreprise fut accueillie à bras ouverts par tout le monde. Même la Société de défense des animaux n'y voyait pas d'inconvénients. Non, non, trouve ça correct, on sait que c'est pour une bonne cause. Ici, au Pet Shop, on a tout senti que les êtres humains étaient égaux quand on a vu la vache se séparer en deux. Même les curés se sont mis à scier des vaches en deux. Je dis que ça marche bien mieux que l'Eucharistie. Et alors que la campagne de sillage de vaches en deux battait son plein à l'échelle mondiale, Oui, mais j'ai pas terminé. Jamais entendu. Ah! Hey, sornette! Laissez-moi votre micro et allez-vous-en rousse! Oh, chers auditeurs, chères auditrices, mettons les pendules à l'heure au sujet du reportage que vous venez d'entendre. Premièrement, Damien Hirst n'a pas scié de vaches en deux devant public. Il les a sciés dans son atelier pour les mettre ensuite dans des aquariums de formol. Bon. Deuxièmement, la campagne de l'ONU. Vous avez cru à ça, vous? Vous pensez qu'organiser une campagne de propagande sous forme de performance artistique peut générer une communitas mondiale et instaurer la paix dans le monde? On aime mieux y croire, nous! Baliverne! Les artistes pensaient être capables de changer le monde avec leur création, mais ils se trompent! Amenez-y une vache qu'on la scie en deux pour le convaincre! Arrête ça, ça sert à rien! Oh! Oh mon Dieu! Oh! Oh, quelle horreur, mais oui, c'est vrai, on est tous des frères au fond. Ça y est, c'est décidé. Je retourne au cégep, puis je m'inscris en art plastique! Une toute nouvelle capsule, les gars, de Vidons-la dans la question. Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault qui, cette semaine, vidaient la question du communitas dans leur lexique des arts visuels. Allez voir le vidonsladon.com, vidonsladon-sans-le-c.com pour en savoir plus sur ces deux hurluberlus, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. D'ailleurs, leur série sur Radio-Canada, l'émission Vous êtes ici, est terminée. L'émission Vous êtes ici est retirée des ondes par Radio-Canada, que voulez-vous. Mais nous, il nous reste encore quelques capsules à passer pendant les prochaines semaines. Donc, restez avec nous tout le restant de l'été, pas mal, pour entendre de nouvelles capsules de Vidons-la-Don, la question. On est rendu à l'opposition numéro 5. Du côté anglophone, on trouve Pete Moss avec Booze, Babes and Barbecue qui est stable. Mais avant ça, elle descend de deux places. Voici une fille qui était au festival, Marie-Pierre Arthur, droit devant. Ça commence tout de suite dans les palmarès. C'est fou, on regarde vers le futur. Nous. Ça, c'est ce que vous allez entendre ailleurs. T'sais. Marie-Pierre Arthur, vous l'entendez déjà, il y a même quand même. Trois, trois. par-delà toutes les peurs. C'est Booze, Babes and Barbecue en position numéro 5. C'est stable, ça fait 7 semaines que c'est dans notre palmarès anglophone. Avant ça, du côté franco, c'était Marie-Pierre Arthur avec Droit Devant qui, elle, descend de 2 places avec son album qui s'appelle aussi Marie-Pierre Arthur. Vous êtes dans les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et je vous rappelle encore une fois que tous les liens d'émission d'aujourd'hui et de toutes les émissions des palmarès C'est Fou, ils sont sur le site de l'émission

jump to the conclusion. But I don't really dare to let out my suspicion. When you don't trust what's what and you got 20/20 vision, acting is dead, I will never quit. Time to hit the trail, make a break, that's how we exit. Gentlemen Reggie, How We Exit, stable en quatrième position anglophone. Avant ça, c'était du côté francophone, les Violents Cachalots qui descendent de deux places. Descendent de deux places avec le sous-cover du journal Voir, ça m'a d'ailleurs cédé 11 ans de succès. Voilà pour la deuxième heure des palmarès, c'est fou. Il nous en reste une troisième et dernière. Les choses passent incroyablement vite cette semaine. Ça y va, boum, boum, boum, boum, comme on dit dans le domaine. Et il va y avoir les positions 3 à 1 dans la troisième et dernière heure. On se rappelle que la semaine passée, le Roi Poisson était en première franco et White Cowbell du côté anglo, on les a pas encore entendus. Est-ce qu'ils sont encore là? Il faut rester avec nous pour le savoir au 89.1 FM. Vous écoutez les Palmarès C'est Fou, une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. C'est la troisième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 3 au 9 juillet 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et je suis seul ce soir dans les Palmarès C'est Fou avec Kiwan et Mathieu. Tu sais, ça c'est le nom complet. Pourquoi? Parce que Kiwan est parti à Woodstock en Beauce qui a lieu du 1er au 5 juillet de cette année, hein, étrangement. Allez voir woodstockenbeauce.qc.ca pour en savoir plus sur les artistes qui jouent là-bas et pour savoir ce que Kiwan va voir ce soir. Hein? Pourquoi ne pas aller visiter woodstockenbeauce.qc.ca ou passer par le site de l'émission au www.unechance.com. Tous les liens figure sur ce site-là, unechance.com. On est rendu aux troisième position dans ce début de troisième heure du côté anglo. Ah, regardez ça, c'est l'ancien numéro 1, White Cowbell Oklahoma avec Piece of the Action. Mais avant ça, oh, l'ancien numéro 1 est aussi tombé en troisième du côté francophone. Voici le Roi Poisson et Croque-Mort. J'agis comme si j'étais surpris, tu sais. Ça a l'air presque convaincant. Vous êtes au 89.1 FM et c'est les Palmarès, c'est fou, jusque dans une heure. Censément demander tant, mais depuis je suis devenu un peu dépendant. À quelque part je ne pouvais pas en faire autrement. Être croque-mort, c'est vraiment ce qui est le plus passionnant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, huissier, boucher. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Ce que je préfère, c'est enterrer les morts. Et ma vie tout en or. Je suis surpris que ce soit pas juste des petits vieux que j'entends. Ça me rend malheureux. Il ne devrait pas savoir des cercles pour enfants. Quand j'en vois, je trouve cela bien déprimant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, boucher, huissier. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Mais ce que je préfère, c'est enterrer les morts. Chose fondée, car à ceux qui espéraient trouver de quoi de mieux, il se peut que la douleur les ramène des cieux. Des cieux. numéro 3. White Cowbell, Oklahoma, avec une pièce de leur album Bombardero, c'était Piece of the Action, qui était l'ancien numéro 1 la semaine passée, c'est descendu en 3e place, ça fait 6 semaines que c'est dans notre palmarès anglophone. Avant ça, du côté franco, c'était aussi l'ancien numéro 1, Le Roi Poisson, avec Croque-Mort de leur album, qui s'appelle aussi Le Roi Poisson. Il y a seulement les positions numéro 2 et numéro 1, quelques artistes qu'on n'a pas encore entendus jusqu'à maintenant, donc ils ont monté de pas mal de places, je dirais qu'ils ont franchi pas mal tous... genre la moitié du palmarès, presque, dans certains cas. Hein? On les entendra plus tard. Pour l'instant, on va parler un petit peu du Festivois, parce que ça continue. Nous, on est en direct le vendredi 3 juillet. Si vous écoutez en rediffusion le jeudi, ben écoutez-moi pas pendant quelques secondes, mais restez là, partez pour lui. Ce serait plate de voir partir. Bref, le Festivois, le Festival Émile et Nouveau qui a lieu du 26 juin jusqu'au 5 juillet, c'est jusqu'à dimanche. Vous pouvez aller voir la programmation complète sur festivois.com. Mais je vais mentionner quelques affaires qui m'intéressent. Pépé et son orchestre est en spectacle ce soir. Le vendredi 3 juillet, allez voir pépé-sa-guitare.com, j'adore ça. On va en jouer tantôt dans un petit bloc festivois, hein, ça va me tenter. On va aussi entendre du Malajube qui est en spectacle ce soir. Sinon, sur une autre scène, la scène des voix multiples, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. J'ai Michel Richard. Ingrid Saint-Pierre est en spectacle ce soir, qui était une étudiante de l'UQTR. Il va aussi y avoir, pour les enfants, Tonton Ninou et les petites Toons. C'est beau. Je sais pas pour les heures sont pas écrites sur le site, c'est dommage parce que peut-être que ces spectacles là sont tous passés. Betty est en spectacle aussi ce soir. Il y a The JMC Project. Ouais, c'est un petit peu de new jazz teinté de soul et de hip-hop, c'est aussi aujourd'hui. Encore une fois, pour les heures, j'ai aucune idée. André Baudouin est le 3 juillet ce soir aussi, puis c'est pas mal tout. Pas grand chose samedi et dimanche qui m'intéresse, il me semble. Mais bon. Allez voir festivois.com pour l'horaire, au moins des jours, peut-être pas des heures en tant que tel. Festivois.com. C'est l'adresse, le lien est sur le site de l'émission au www.unechance.com. On s'en va entendre le numéro 2, tiens. Du côté anglophone, Sub va nous jouer Black Gold, ça monte de 5 places. Mais avant ça, voici le nombre et leurs pièces des zombies et des fleurs. Ça se passe dans un condensé de la meilleure musique que Sifoir vous offrir. C'est les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou à se décomposer. Avec Black Gold dans les palmarès Sifou au 89.1 FM. Ben oui, ça finit vite cette affaire-là. J'aime ça de même, moi, des fois. Rapide, t'sais, short and sweet, c'est ça. Je sais pas. Bref. Bon, vous êtes dans les palmarès Sifou et ce qu'on vient d'entendre, c'était les positions numéro 2. Donc, il nous reste seulement les numéros 1. Les choses avancent très, très vite, comme toujours. On aime ça de même. Vraiment. D'ici la fin de l'émission, on va entendre quelques groupes qui participent au Festivoix de Trois-Rivières, le Festival des Mille et une Voix. Et là, j'étais en train de poster sur Twitter, parce que vous savez, les Palmarès C'est Fou ont un nouveau compte Twitter qu'on vient tout juste d'ouvrir. T'sais. J'avais un compte personnel, mais je me suis dit, pourquoi ne pas? Hein? J'ai dit moins vite que ça dans ma tête. Pourquoi ne pas avoir un compte pour les Palmarès C'est Fou? Donc, c'est au twitter.com/palmarèsc'estfou. Et là, je viens de poster un message dessus, là, en direct, comme ça, qui dit, pourquoi est-ce que le site du Festivoix n'offre pas l'horaire au complet sur une page? Il me semble que ce serait un petit peu plus facile pour tout le monde. T'sais. Et je me demandais où sont les heures des spectacles. Donc, on va voir si j'ai des réponses là-dessus sur le Twitter des Palmarès C'est Fou. C'est twitter.com/palmarèsc'estfou. Ceux qui ne connaissent pas encore Twitter, vous allez vous habituer parce que je vais en parler pas mal souvent ici dans les Palmarès C'est Fou. C'est simplement une façon facile de mettre les gens au courant de ce qu'on est en train de faire. Il y en a qui pensent, tu sais, moi-même au début, j'étais là, ben ça sert à rien Twitter, tu sais, je veux pas savoir ce que t'as mangé pour déjeuner. Mais finalement, quand tu te mets à voir des amis, Twitter, c'est pas mal intéressant. Hein? Tu peux en apprendre plein de choses sur des artistes, sur des gens que t'aimes bien suivre, tes amis. Ils peuvent t'apprendre des choses sur un spectacle ou sur la musique. On peut découvrir des images, des vidéos, n'importe quoi. On peut poster pas mal n'importe quoi sur ce Twitter-là. Bref, twitter.com. Vous allez entendre parler pas mal dans les prochaines semaines. Ça fait très longtemps que ça existe, sérieusement, mais là, le monde commence à comprendre. C'est un peu comme Facebook, ça existait depuis des années avant que le monde en parle. C'est le futur, people! It's the future! Voilà. Belle éditoriale hein, sur la technologie. C'est un peu trop geek pour vous autres, peut-être. Mais bon. Sans vouloir vous juger sur votre geekerie. Hein, bucurisme. On est rendu au numéro 1, je me la ferme pour l'instant. Là. On va juste aller entendre les numéros 1. Je vais faire quelques jeux de mots parce que c'est ce que je fais à chaque semaine. T'sais, j'en ai des tonnes de jeux de mots, une tonne métrique, je dirais. Une metric ton? On la pogne dessus? Hein? Hein? Vous lisez dans ma tête. Hein? Vous êtes comme des satellites, vous lisez dans ma tête ou sur le Twitter et vous savez ce que je vais dire d'avance. Satellite Mind de Metric, c'est du côté anglophone. Et du côté francophone, mais je dirais que si vous voulez me créer des bêtises pour mes mauvais jeux de mots et mes mauvais dialogues ou monologues ce soir, vous avez mon numéro. Numéro qui est du côté francophone avec le numéro 1. Voici tout est parfait. Ma, Caroline, mes jeux de mots sont de plus en plus mauvais. Vous êtes au Palmarès C'est Fou au 89.fm. We'll be right back. tout est parfait. Les numéros 1 sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Grand numéro 1 des palmarès, c'est fou de cette semaine. Des deux côtés, avant de dire les numéros, on va dire les positions 3 et 2, tiens. Les positions numéro 3 sont occupées par White Cowbell Oklahoma avec Piece of the Action et Le Roi Poisson avec Croque-Mort. En deuxième, on retrouve Sub et Black Gold, ainsi que Le Nombre avec Des Zombies et Des Fleurs. Au numéro 1 anglophone, on vient tout juste d'entendre Metric avec Satellite Mind qui monte de 5 places. Et avant ça, c'était Numéro avec Tout est parfait qui monte de 6 positions. Ça fait 6 semaines que cela, leur album s'appelle Sport de combat. Voilà pour les palmarès pour la semaine du 3 au 9 juillet, mais l'émission n'est pas terminée. Il nous reste au-dessus de 35 minutes à passer ensemble. On va se faire quelques petits blocs spéciaux. On va commencer avec un bloc pour le Festivois qui se termine dimanche. Nous, on est en direct comme ça le vendredi soir, 3 juillet. Et à 20h, dans quelques minutes à peine, vous avez le temps de vous rendre et de, j'imagine, vous trouver une place là-dedans, quelque part. Vous faut filer pour aller entendre ces deux spectacles-là. Du côté des voix de la relève, on va retrouver Ingrid Saint-Pierre. Et là, je vais vous lire son petit texte sur le site du Festivois. Même s'il n'y a pas les arts des spectacles sur le site, c'est quand même un beau site. Ce n'était que des petits bouts de poésie toute simple, gribouillés sur des morceaux de papier, un peu froissés parfois, même sur de vieilles factures qui traînaient traînait au fond d'une sacoche bordélique. Ce n'était que des petites notes de piano un peu maladroites tricotées ici et là dans un 3,5 à Trois-Rivières. Une luciole sur un high avec de la musique plein les idées. Une musicienne à l'âme boréale qui se libellule l'esprit, assise toute seule au piano. Elle enfile ses ailes et nous ouvre les portes d'un monde qui oscille entre la lune et ses bottines. Un spectacle intimiste aérien empreint d'une grande sensibilité, toujours un spectacle à ne pas manquer. C'est Ingrid Saint-Pierre, on va entendre sa pièce « Une luciole sur un high ». Suivront Malajube et Pépé qui sont aussi en spectacle. Non, il parle assez fou, version activité parascolaire. Viens d'en faire un tour dans mes yeux. Ça fait un bout qu'on s'est jasé. Ah. Les jours de pluie, c'est fait pour se coller. Une place dans la lune. Je suis tout le temps, c'est même pas loin. Embarque le temps d'une tonne en moi. Mais tu sais que la vie est trop maligne quand t'es pas là. Tu sais que la vie est trop maligne quand t'es pas là. Bizarre, entortillé bien à l'abri, comme ça peinard. Y'a une panne de courant sidéral. T'inquiète, je te vendrai les étoiles. Ce sera des lucioles filant sur un rail. Des lucioles filant sur un rail. La vie est trop maligne quand t'es pas là. Tu sais que la vie est trop maligne quand t'es pas là. Je sais que je suis distraite et maladroite et dans la lune très très souvent. Je sais que j'ai jamais les bas de la même couleur. Je sais bien que tu me comprends. Même pas besoin de scénario. On n'a qu'à se parler sans dire un mot. Barricadé en parenthèse en écoutant du Damien Race. Mais tu sais que la vie est trop maligne. T'es pas là. T'sais que la vie est trop maligne quand t'es pas là. Viens faire un tour dans mes yeux. Une dernière fois encore. Dans le trou de ta guitare. Retour la musique de Malajub, de Pépé et les vulgaires machins dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Les palmarès C'est fou sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Malajub et la pièce Les Colomboles de leur album Labyrinthe dans les palmarès C'est fou au 89 FM. Malajub qui est au Festival de Trois-Rivières ce soir, 3 juillet, vendredi. Ils sont déjà arrivés, ont pratiqué depuis le début de l'après-midi. J'ai vu sur Twitter, le compte du Festivois, parce que Festivois est au twitter.com/Festivois, que les gars sont arrivés il y a environ 3 heures de ça. Hein? C'est bien. Donc, leur spectacle va commencer bientôt, j'imagine. C'est supposé être à 20h. Donc, la soirée est pas mal construite autour de Malajub et d'autres choses. D'autres choses. Juste avant Malajub et la pièce Les Colomboles, on a entendu Ingrid Saint-Pierre, qui est aussi du Festivois. Elle est sur la scène de la relève du Festivois ce soir. Ça dit 20h sur son MySpace, mais c'est certainement pas vrai. Toujours 20h par défaut. Bref, Ingrid Saint-Pierre, très gentille, cette fille-là. Sinon, tiens, on va l'entendre de deux autres groupes qui jouent ce soir au Festivois. Il y a Pépé, qu'on va l'entendre avec son album 100% Bœuf. On va entendre Mais qu'est-ce que tu fais là, une des pièces que j'adore sur cet album-là. Et puis ensuite, il y aura les Vulgaires Machins qui, eux, sont à 21h. En tout cas, eux, ils ont changé leur heure. Donc, tu sais, 21h, ce qui est écrit sur leur MySpace, sur la, une des scènes du Festivois. Hein? Commençons par Pépé, tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais là? Au 89FM, c'est fou ça! J'adore la musique qu'on joue ce soir. Vulgaire Machin et la pièce Lithium, la dernière de leur album Compter les corps et ma préférée de l'album au complet. J'adore cette pièce-là, j'adore la version intro et j'adore quand ils la font en spectacle. C'est toujours vraiment très bon, la pièce Lithium. Avant ça, on a entendu Pépé, mais qu'est-ce que tu fais là de son album 100% Bœuf, Pépé, qui est aussi du Festivois, parce que c'est un bloc Festivois, il faut le rappeler. Hein? Son album 100% Bœuf, mais là, il va être avec tout son orchestre au complet, Pépé et son orchestre. Ça se passe ce soir, ou en tout cas aujourd'hui, vendredi le 3 juillet. Même chose pour Malajube qu'on a entendu. Même chose pour Ingrid Saint-Pierre ailleurs, même chose pour Vulgaire Machin. Beaucoup de choses se passent au Festivois. Allez voir festivois.com. C'est là que toutes les informations sont. Vous passez par le site de l'émission. Évidemment, au www.unechance.com, il y a tous les liens vers pas mal tout ce qu'on dit dans l'émission. Les paméras, c'est fou, hein? Pourquoi pas? Donc, ça, c'était notre blog de 4 pièces tiré du Festivois, hein? Pourquoi pas? On va continuer ça avec d'autres pièces qui n'ont pas rapport avec le Festivois du tout. Hein? On va commencer ça avec quelque chose qui est dans le top 30 des albums. Et parlant du top 30 des albums, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire tout ce qu'il y a ailleurs dans les palmarès, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. Francophone et anglophone, je dis les deux, oui. C'est aussi un top 10 électronique, un top 10 loud et un top 3 disques canadiens. Commençons par le top 30 des CD. Il y a une seule nouvelle entrée, c'est Rum Runners avec What's the Music Mean to You. Ensuite, en troisième place, ça monte la septième sub avec To This Beat. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, White Cowbell Oklahoma avec Bombardero. Et en première, ça monte de 5, Metric avec Fantasy, qui est de retour au sommet. Dans le top 10 électronique, une seule nouvelle entrée, celle de Sonogram avec Pixels. En troisième, c'est stable This Morn Omina avec Momentum of Singular Clarity. En deuxième, c'est aussi stable IMX avec Think of England. Et en première, c'est stable encore Tony Khan avec The Sniper's Veil. Dans le top 10 loud maintenant, aucune nouvelle entrée, tout est stable à partir de la troisième position. On retrouve en troisième Graves of Valor avec Celerion Gate. En deuxième, Iron Maiden avec Flight 666. Et en première place, c'est toujours Voivode avec Infini ou Infini. Dans le top 3 des disques canadiens maintenant, une nouvelle entrée, Sub avec To This Beat. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Wild Cowbell Oklahoma. Et en première place, 13e semaine de présence dans le top canadien, c'est Metric avec Fantasies. Et là, ben c'est ça, ben, je regardais le top 30 des CD, je cherchais des affaires qu'on pourrait potentiellement faire jouer. Je me suis dit que la 29e avait un nom assez intéressant, c'est Lassa. Ça descend d'une place par contre, mais ça fait 10 semaines que c'est là, donc c'est certain que c'est bon. On va entendre une pièce de leur album qui se nomme Lassa aussi. Voici, tiens, pourquoi pas entendre la première pièce de l'album. Je pense que ce serait une bonne idée, il me semble. Allons-y avec Is Anything Wrong? Dans les palmarès, c'est fou, 89 FM. C'est fou, ça. Hey, en passant, je vous rappelle de nous suivre sur Twitter. On est au twitter.com/palmarèsetcfou et je tape en direct ce qui joue dans l'émission, ce qui se passe. C'est fun. I used to say show me the way, and then another year or two would pass me by. Is anything wrong? Oh, love, is anything right? Oh. Summer is Magic, Moustache Remix par Bio Bazar ou encore L'été c'est Magique par Chambre 22. Et la raison que je vous ai fait jouer ça, ben, c'est qu'on vient de la recevoir. Bio Bazar, la personne qui a remixé cette pièce-là, nous a dit « Voici le verre d'oreille de votre été, mes amis de Chambre 22, chambre22.com, ont repris le succès des 90s de Summer is Magic. » Et j'en ai fait le mastering et un remix que nous vous offrons avec le plus grand des plaisirs. Profitez de cette belle chaleur magique. Attention, l'écoute pourrait vous contaminer le cerveau pour cet été magique. Rendez-vous sur la page Reverb Nation de Bio Bazar ou sur le site de l'émission. Passez donc par là au www.unechance.com et vous pouvez même la télécharger ou la downloader gratuitement. Enjoy, c'est ce que nous disait Bio Bazar. Avant ça, on a entendu Lassa avec une pièce de leur album Lassa, Is Anything Wrong, qui est Lassa sur notre top 30 des CD en position numéro 29. Ça descend d'une place, 10e semaine de présence. Bref, allez voir myspace.com/TheLivingRoad pour en savoir plus sur Lassa de Sela. Voilà. Passez par le site de l'émission pour tous les liens. Encore une fois, c'est www.unechance.com. Mais on continue ça en musique dans les palmarès. C'est fou, condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir avec la pièce Island of the Honest Man par Hot Hot Heat. I was picked up and then dropped off in a culture counter clockwise turned around. Once so hard to find. While I ride La formation Hot Hot Heat avec leur pièce Island of the Honest Man de leur album Elevator. C'est génial, j'adore Hot Hot Heat, un de mes groupes préférés. Voilà, c'est la fin des palmarès fous pour cette semaine. Il me restait une dernière pièce de Hot Chip parce que je me suis dit, c'est tant qu'à parler de chaleur avec Chambre 22 et leur pièce The Summer's Magic. Je me suis dit, des pièces avec chaud dans le titre, ça pourrait être approprié, tu sais. C'est mon bloc à thème, donc pour ce soir. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de dernière porte à gauche. Si vous écoutez le vendredi 3 juillet, Kiwan est parti à Woodstock en Beauce. Hein? Donc, souhaitez-lui un beau petit voyage. Vous allez entendre plein de musique au grand hasard, mixée par notre DJ Jazzler. Il est génial. Yes. Mais les Lusins de l'Enfer vont suivre à 21h. Donc, soyez là pour ça sur les ondes de C'est Fou. Kiwan vous retrouve la semaine prochaine à la dernière porte à gauche. C'est les vendredis soirs à partir de 20h et les mercredis en rediffusion à partir de 17h. Moi, je vous retrouve à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Ça se passe les jeudis matin à 11h et dans une autre édition des Palmarès C'est Fou, bien sûr, vendredi prochain à 17h. Allez voir le www.unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui et twitter.com/palmarès c'est fou pour en savoir plus sur les palmarès alors qu'on n'est pas vraiment sur le site web. T'sais, on dit des affaires niaiseuses un peu. C'est un peu n'importe quoi, notre Twitter. Mais c'est le fun. Twitter.com/palmarès c'est fou. C'est tout nouveau, c'est tout frais. On se quitte avec une pièce de Hot Chip. Elle s'appelle Out at the Pictures. Passez une merveilleuse fin de semaine, une merveilleuse semaine. Et une très belle soirée d'abord. Je suis quand même fin de vous dire tout ça. Mélange chez nous à soir. Bye! Rivière Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan sont fiers de vous présenter les palmarès C'est fou.